Toi, t'es colère, non? Suite à une sortie ciné, il me semble. Hein bah ouais, cette semaine, je suis colère. Hein, vous le savez, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Cette semaine, mercredi, est sorti le film Radin avec Danny Boone. Et comme je suis auvergnat, ça fait 3 jours que j'en prends plein la gueule. Car oui, il paraît que l'Auvergnat est radin. Excusez-moi, hein, mais à une certaine époque, on n'a pas été radin en délation. Hein. Et certains étaient ravis. C'est horrible, je sais, mais je suis chafouin. Hein. Non, nous ne sommes pas radins. Et ah oui, au fait, Gilles, pour les 20 centimes que tu me dois, on voit ça tout à l'heure. C'est vrai, j'ai oublié. Non, vraiment. Vraiment, on n'est pas radin. Ou alors, je m'en rends pas compte. Hein. Et c'est pas de la mauvaise foi. Hein. C'est un cliché, cette radinerie. Et c'est Georges Brassens qui a lancé ce cliché hein, dans sa chanson « Toi l'Auvergnat ». Il dit, je cite... Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois. 4 bouts de bois? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça y est, on tient les comptes? Si ça se trouve, c'était ses derniers bouts de bois, ce pauvre Auvergnat, qui a crevé de froid cet hiver-là. Oui, je ne suis pas radin en rime. Bon, oh là là. J'admets que les vieilles personnes en Auvergne sont un peu près de leurs sous. Hein. Par exemple, moi, ma grand-mère, hein, quand elle me donnait de l'argent pour Noël, elle me disait toujours « Tiens, et va pas le dépenser, hein !» Ah bon? Alors, peut-être qu'on est radin, hein. N'empêche que moi, tous les jours, il y a des mecs que je ne connais pas qui me demandent des invitations pour ma pièce de théâtre. Une invitation, hein, je vous rappelle ce que hein, c'est de venir voir un spectacle sans payer. Une pièce de théâtre qui se joue tous les lundis à 20h. Au Montmartre-Galabru. Au théâtre Montmartre-Galabru, exactement. Vous voyez, je ne suis pas radin d'autopromo. Alors attention à ce que vous dites sur les Auvergnats. Hein. La prochaine fois, j'appelle les copains. Hein. Non, parce que quand il y en a un, ça va. Hein. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Ah, bravo. Voilà, je vous ai fait ma chronique et pour pas un rond. Ah, ouais. Bravo.